j'ai pas la motive de taffer pour des broutilles. Franchement, assez pour vivre, pépère. J'crois j'ai tout dit, j'extrais la chronique et crée l'harmonie. Parfois très près de la folie et de la solitude qui l'accompagne en coulisses derrière. Perdu, afflux de mouvements superflu, mes perclus, j'ai mort du fil. Au fait, qu'utilisent-ils pour si facilement suivre leur optimement, c'est cimenté. Si tenté qu'ils aient eu vraiment le choix de s'y tenter. Ouais, le dilemme est loin d'être cornélien. La pression sociale sert fort tes liens. Peur de la marginalité, on répond à l'appel des clous qui au pire te crucifient, au mieux te servent d'écrou. Dégoûté par la façon dont on nous traite et les traits qu'on nous prête, on voit qu'on nous mène en bateau, mais on croit en nous-mêmes. C'est la manufacture, notre seule chance de fracture. Quand cette mise en pâture, capital nous rature. Un pied dans la droiture, l'autre dans le vice et le trouble. Parfois je sature, je suis un humain et puis c'est tout. On fait le show, l'intrépide et le fou. Tombé de haut, l'oisillon s'en est brisé le cou. L'image est triste, écoute, c'est plus d'inconscience quand tu te reposes sur une civière pour. Le monde va vite et tourne, fond du cratère et cime s'épouse entre agonie et jouvence. Chance, malchance, non, vie éprouvante. Vantons-nous, gaussons-nous, gorgeons-nous d'orgueil. Ouvrons nos grandes gueules pour couvrir les familles en deuil. Alors qu'on parie sur l'épée sans vouloir parler des effets. On parade pour la paix planquée derrière nos parapets. On est des buts de poing dans l'hexagone, on trône plus valeureux qu'un poisson clown qui se croit requin sans qu'aucun se rende compte qu'on est chacun dans son aquarium. On se demande à quoi on prime, donc on se repère par rapport au pourri, au parcours horrible. Car même si le doute me happe, je sais ce que je ne veux pas, ce que je ne peux pas. Feindre mon prochain et fendre son crâne à la fronte, tout ça pour me fondre. Je préfère cracher ma foudre. Même si elle ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Et que dans cet univers sécuritaire, elle n'est pas rentable, pas viable, pas solvable. Elle m'offre ce qu'il manque à ses prisons confortables.